Ça fait mal quand c'est un frère, quand c'est un proche qui te jalouse. T'inquiète, on a ce qu'il faut, crois-moi, personne ne touche à nous. Ben oui, que c'est nous les plus forts, on les encule fort. Je sais comment les faire, oula, je fais même plus d'efforts. Je t'envoie un petit chez moi pour 10 000 euros, ils t'enculent. Les vitres seront brisées et aura du sang sur ton cuir. C'est vrai que j'ai plus de cœur, viens, on fait la guerre. On verra qui a peur, qui d'entre nous quittera la terre. Ici c'est Marseille, frérot, fais gaffe à qui tu branches. Si c'est la sœur d'un tel, t'étonne pas si le frère se venge. Non, y'a plus de règles, peu importe l'âge. On t'envoie dans le sel, tu passeras le CLM aux anges. Une fois on te fait rien, devant ça passe pas. Oula, je connais des criminels qui ne savent pas se battre. S'il te plaît, commence pas, y'a des choses que tu sais pas. Je fais confiance qu'à Abou, RG et Michael se bague. La viande elle est cachère, du bismillah avant de caille. Je suis posé à la caille, j'écoute du rail, c'est très qui caille. J'ai jeté tous mes cahiers pour aller vendre les cailles. Normal que j'ai la dalle dans le frigo, y'a que du rail. J'écoutais plus de rap que les conseils du daron. Le kilo à 22, maintenant tu connais le tarot. Si tu carottes, vite ton tarot. S'il y a pas toi, y'aura ta reuse. Et s'il y a pas ta reuse, au pire des cas, y'aura ta gosse. Tu sais, nous on est fous, hein. Parle pas au téléphone. Si l'esprit nous soulève, voilà que ça sera de ta faute. Tu peux ramener la foule, des gens que tu crois fort. On est bien entouré, n'importe qui nous on le fuck. Alors oui, t'as les boules, tu crois que faut des cours. Tirez-moi dessus, maman recoudra tous les trous. J't'ai vendu quelques magouilles, tu te les as mis dans le trou. Dans 10 minutes, t'auras l'impression que ton nez est cool. On n'est pas des méchants, vous nous avez poussé à l'être. Vous faites les gros voyous, après vous appelez à l'aide. Vous mêlez des personnes pour vous sortir de la merde. Mais nous on n'a pas d'âme, sache que personne nous arrête. Vaut mieux une calache que 10 mecs qui bougent pas. Le soir je parle seul, 3h du mat, je me couche tard. Et pour me venger, j'ai tout miré pour Chuka. Pour la famille au j'tard, pour mes frères à Oujeta. Un jour on m'a dit faut, j'aimerais pas porter tes péchés. Vas-y, manque de respect, gros, tu vas payer tes décès. Tu te frottes à nous, gros, t'es baisé. Tu sais comment c'est, on a porté nos couilles, jamais marché la tête baissée. Tu peux demander au S, tu peux demander au A. On va te la mettre profond, gros, j'ai ramené la NIVA. Je me présente, moi c'est le F, je ne fais que le mal. Remplis-moi le chèque et n'oublie pas la TVA. Fallait pas nous faire ça, maintenant on va te la faire sale. Le prix de ta vie, gros, c'est le prix de mon Versace. Dans un coin à Versailles, je suis posé avec ça. On parle de l'FF, de cramer d'argent sale. En ce moment, je suis nostalgique, j'appelle un frère à Constantine. Je connais pas les têtes à 45, nous on t'encercle. Mon ange de droite me dit de rentrer dans le din. Mais celui de gauche me dit de rentrer dans le cercle. Je rappelle mieux le ventre vide. Tu sais pourquoi j'aime pas les fêtes? Parce qu'il y a trop de saloperies. Quand t'as le buzz que ça profite. Sur ma vie c'est un délire, je suis abonné au délit. Celle-là c'est pour mes frères qui s'endorment sur le CDRI. Corse.